voire une mécréance claire. Abdel-Latif ibn Abdel-Rahman rahimahullah a dit: si celui qui excommunie une personne s'affiliant à l'islam s'appuie pour ceci sur un texte et une preuve issue du Coran ou de la Sunna, lorsqu'il est témoin d'une mécréance claire, comme l'association à Allah, l'adoration d'un autre que lui, qu'on se moque de lui, de ses versets, de son messager, qu'on les dément, ou que celui-ci a de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre comme guidance et religion de vérité, ou encore qu'il renie un de ses attributs sublimes. Il s'agit des attributs qui font partie du fondement de la religion, comme le vivant, le puissant, celui qui sait, entend et voit toutes choses et d'autres, ou toute autre chose du genre. Eh bien, celui qui excommunie pour ceci ou quelque chose de semblable a vu juste et est récompensé, car il est obéissant à Allah et à son messager. Source Durar Sanniya 2, numéro 121. Regarde comment le tekfir est en réalité une obéissance à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et non pas un fléau maudit réservé aux savants, comme le disent certains ignorants, imitant aveuglément les paroles de certains savants qui ressemblent aux savants juifs décrits par Allah dans son livre saint. L'ijtihad, effort intellectuel. Soleiman ibn Sahman rahmahullah dit dans Tamyiz al-Sidq wal-Mayn: celui qui croit en Allah est son messager intérieurement et extérieurement, mais fait un effort d'ijtihad et cherche la vérité, puis se trompe ou ignore ou interprète mal, eh bien Allah lui pardonne cette erreur, qui qu'il soit, que cela soit dans les thèmes théoriques ou pratiques. Mais l'origine de cette erreur est que lorsque ces gens-là ont entendu la parole du Shir ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans certaines de ses réponses, où il parla de l'absence de tekfir sur l'ignorant, ou le mujtahid, ou celui qui se trompe, ou celui qui interprète mal. Ils ont cru que c'est valable pour toute erreur, toute ignorance, tout ijtihad et toute mauvaise interprétation. Ils en ont fait une règle schématique, sans donner aucun détail. Et ceci est une erreur pure, car ce n'est pas tout ijtihad ou ignorance ou erreur ou mauvaise interprétation qui sera pardonné à son auteur et l'empêche de devenir mécréant. En effet, ce qui est nécessairement connu en religion islamique comme la foi en Allah, son messager, ce qu'il a enseigné, il n'y a aucune excuse par ignorance dans cela. Allah nous a informé de l'ignorance de beaucoup de mécréants tout en déclarant clairement leur mécréance. Il a décrit les chrétiens d'ignorance, alors qu'aucun musulman ne doute de leur mécréance. Et nous sommes absolument convaincus que la majorité des juifs et des chrétiens aujourd'hui sont ignorants et se conforment aveuglément à leurs rabbins. Mais nous sommes convaincus de leur mécréance ainsi que de la mécréance de quiconque doute de leur mécréance. Le Coran nous indique que celui qui doute des principes de la religion est un mécréant. Or, le doute est l'hésitation entre deux choses, comme par exemple quelqu'un qui n'est ni certain que le prophète dise la vérité, ni qu'il dise des mensonges, ou bien qui n'est ni certain de la réalité de la résurrection, ni de sa fausseté, ou aussi celui qui n'est ni certain de l'obligation de la prière, ni incertain, ou qui n'est ni certain de l'interdiction de la fornication, ni de sa permission. Celui-là est mécréant à l'unanimité des savants, et il n'y a aucune excuse pour celui qui se trouve dans une telle situation pour ne pas avoir compris la preuve d'Allah et son explication, car il n'y a aucune excuse après la transmission de la preuve, même s'il ne la comprend pas comme nous venons de le démontrer. Lorsqu'un individu donné commet ce qui exige sa mécréance dans des sujets nécessairement connus, comme l'adoration d'un autre qu'Allah, le reniement de l'élévation d'Allah sur sa création, ou la négation de ses parfaites descriptions et adjectifs de la majesté de son être et de ses actes, ainsi que la question de sa connaissance des événements et des créatures avant qu'elles n'existent, etc. Eh bien, si on devait interdire de juger mécréant celui qui commet cela par erreur ou ignorance, tout cela réfute celui qui juge mécréant, ce qui renie l'être d'Allah, sa seigneurie, ses noms et descriptions, et son unicité dans la divinité, ainsi que ceux qui disent qu'Allah ne sait pas ce qui se passe dans l'univers avant que cela ne se produise, comme les extrémistes qadarites, ou qui prétendent que les événements sont causés par les astres, ou que l'origine de la création est la lumière et les ténèbres. Celui qui adhère à tout cela est plus mécréant et plus égaré encore que les juifs et les chrétiens. Est-ce que ceux qui disent qu'Allah est dissous dans sa création n'en sont-ils pas arrivés à une telle mécréance aussi avérée et une idolâtrie aussi énorme et l'abolissement de la réelle existence du Seigneur des mondes uniquement par erreur d'ijtihad dans ce sujet, ce qui les égarera et après se mirent à égarer les autres? N'a-t-on pas exécuté Al-Hallaj à l'unanimité des juristes uniquement pour l'égarement de son ijtihad? Et les karamites n'ont-ils pas commis ce qu'ils ont commis comme atrocité et apostasie de la loi islamique, si ce n'est par leur effort, leur ijtihad, comme ils le prétendent? Et est-ce que les rafidites ont dit ce qu'ils ont dit et admis ce qu'ils ont admis comme mécréance et idolâtrie et adoration des imams, des duodécimains et autres insultes des compagnons du messager d'Allah et des mères et des croyants, si ce n'est par ijtihad? Ce n'est donc pas tout ijtihad, ni toute erreur, ni toute ignorance qui est pardonnée.